Jiji Nabai Isanganiro. Mercredi 7 avril, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici la charpente. Deux personnes ont été tuées la nuit dernière dans les communes de Rugombo à l'ouest et Muyinga au nord du Burundi. Vous l'entendrez dans cette édition. Interdiction formelle du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Les infrastructures scolaires ne doivent plus être louées à des fins religieuses ou pour des débits de boissons. Une trentaine de personnes en province Kirundo mordues par des chiens enragés en moins de deux semaines. Abraham Safari nous en dira plus. Et dans la chronique de ce mercredi, on nous parlera de l'instrumentalisation des chiffres ethniques à des fins divisionnistes. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, il est désormais interdit de louer des espaces et infrastructures scolaires. Ceci ressort d'une correspondance du 1er mars de cette année du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions adressées à tous les gouverneurs des provinces et aux maires de la ville de Bujumbura. Le porte-parole de ce ministère, Pierre Nkuriki, affirme que ce ministère a constaté que ces places et infrastructures scolaires sont louées sont transformées en églises ou en débits de boissons, ce qui handicape les apprentissage des élèves suite au bruit y afférent. On l'écoute. Son Excellence le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a instruit aux gouverneurs de province et aux maires de la ville de Bujumbura d'interdire des pratiques contraires à l'éducation de nos enfants qui sont observées dans certains établissements scolaires dans lesquels les responsables de ces établissements ont pris la décision de faire louer une partie des infrastructures, donc des salles ou des places de ces établissements pour que des particulier face à un usage contraire à l'éducation de nos enfants. C'est ainsi que dans ces établissements, on constate que des salles de ces établissements sont maintenant utilisées par des églises, ont été transformées en des bars, en des bistrots, ou alors ont été louées pour des activités sportives et des activités qui produisent un bruit qui handicape les enseignements, alors que nos enfants ont besoin du calme et de la tranquillité pour pouvoir étudier. Eh bien, ces autorités ont été invitées à interdire ces pratiques partout où elles s'observent. Nous pensons qu'elles l'ont déjà fait. Sinon, s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, nous demandons à ce qu'ils le fassent immédiatement. Pierre Nkuriki, porte-parole du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions en page sécurité. On nommait Moussa de Mukoni en commune Muyinga, au nord du Burundi. L'endroit connu sous le nom de Kukaweza a été fusillé le soir de ce mardi, rendant l'âme immédiatement. Certains habitants de cette localité affirment que c'était vers 23 heures. Et selon ces derniers, un militaire du camp de Mukoni s'est disputé avec un habitant de Kukaweza et est allé prendre son fusil au camp militaire. Selon ses sources, à son retour, il a tiré une dizaine de coups, touchant gravement le nommé Moussa, qui prenait pour son agresseur. Des informations confirmées par la police en commune de Muyinga et qui informent en outre que pour le moment, le militaire en question est entre les mains de la police judiciaire où il peut être traduit en justice sans délai. Une information que nous devons à notre correspondant en province Muyinga, Pierre Clavera Barundi. Et de Muyinga au nord du Burundi, rendons-nous en province Cibitoke, c'est à l'ouest du pays pour parler toujours sécurité. Une certaine spécieuse Nhamarerero de la colline Rugeregere en commune Rugombo a été tuée et décapitée la nuit de ce mardi à coups de machette selon des informations du voisinage confirmées par le chef de colline en la personne de Nhuyahaga Laurent. indique que c'est l'office de la défunte qui a commis l'irréparable et a été arrêté alors qu'il allait prendre fuite. Le parquet à Chibitoke informe que ce dossier est classé en procès de flagrance. Parlons économie à présent. L'introduction d'un système informatisé de suivi et validation de déclarations d'importation et de contrôle de paiement en devise est dénommé Sidonia Wood en anglais, initié par la Banque centrale en collaboration avec l'Office burundais des recettes OBR. Jean Chiza, gouverneur de la Banque de la République du Burundi, précise dans un communiqué sorti ce mercredi que cette plateforme permet de s'assurer si les devises sollicitées par les opérateurs économiques ont été utilisées suivant des objectifs auxquels elles ont été demandées. Je vous propose de le suivre au micro de Moïse Misago. Ce système a été mis en place en vue de faire face au défi suivant: l'inexistence d'un système informatisé de gestion du processus de validation des déclarations d'importation au niveau des banques, le problème de suivi en temps réel de l'utilisation des devises dès leur allocation par la BRB jusqu'à la mise en consommation, c'est-à-dire dédouanement des marchandises pour lesquelles les devises ont été sollicitées, la difficulté de s'assurer si les devises allouées aux opérateurs économiques ont été utilisées suivant l'objectif pour lequel elles ont été sollicitées. Le système mis en place permet ainsi de lever ces défis. La BRB, l'OBR et les banques commerciales constituent les principaux acteurs dans le suivi, le contrôle et la clôture du processus d'importation et de dédouanement des marchandises. Les déclarants ont toujours un rôle à jouer dans la validation des déclarations d'importation ainsi que dans le dédouanement. Dans ce nouveau processus, l'importateur ou son déclarant se confie à la banque commerciale pour toutes les formalités relatives à la validation et au paiement de la marchandise auprès de son fournisseur. L'importateur lui-même ou via son déclarant va cette fois-ci accéder directement au système de dédouanement pour enregistrer et soumettre sa demande de licence d'importation à sa banque de façon électronique. Il se rendra à sa banque muni de la référence de déclaration d'importation générée automatiquement par le système ainsi que des documents exigés pour validation. La déclaration d'importation validée va alors être utilisée au cours du dédouanement des marchandises dans le logiciel Sidonia World. Le dédouanement va se faire en utilisant le numéro donné par la banque commerciale lors de la validation, en vérifiant si les marchandises à dédouaner sont réellement celles inscrites sur la déclaration d'importation validée par la banque commerciale. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Plus de 30 personnes ont été mordues par des chiens enragés dans les communes de Kirundo et Nhega en province de Kirundo dans moins de deux semaines. Serge Ndehokubgayo, médecin directeur de l'hôpital de référence de Kirundo, signale que toutes les victimes sont en train de recevoir des vaccins antirabiques, mais il s'inquiète de la carence de ces derniers au cas où ces chiens continueraient à sillonner dans la communauté. Il demande toutefois à toute personne qui serait mordue par un chien enragé de se rendre vite à l'hôpital, sinon la maladie devient grave et des fois incurable. Les détails avec Abraham Safari depuis Kirundo. Selon les informations qui nous sont données par le médecin directeur de l'hôpital de Kirundo, Dr Serge Ndehokubgayo, le total des personnes mordues par les chiens enragés sont au nombre de 33, dont 28 de la commune de Kirundo et 5 de la commune de Nega, et cela dans une période ne dépassant pas une semaine et demie. Il poursuit en disant que même ceux qui ont été mordus en commune de Nega ont été transférés à l'hôpital de Kirundo, ce qui peut causer la rupture de ces vaccins, surtout qu'on donne généralement de vaccins. Mais il demande toutefois à quiconque serait mordu par un chien enragé de se rendre vite à l'hôpital avant qu'il ne soit tard, car la maladie devient des fois incurable. Les responsables vétérinaires dans le BPAE de Kirundo précisent qu'ils viennent de faire le recensement des chiens vivant en commune de Kirundo et ils ont trouvé plus de 200. Ils prévoient que d'ici quelques jours, ils vont commencer la campagne de vaccination. vaccination contre la rage. Ils disent également que même si le chien enragé n'est pas tué, il ne peut pas dépasser 3 à 4 jours sans qu'il meure suite à cette rage. Ils pensent à cet effet que les chiens qui continuent à sillonner les collines ou communes sont ceux qui ont été mordus par le chien enragé et la chaîne a continué. L'administrateur de la commune de Kirundo avait donné ordre de tuer ces chiens, mais jusqu'ici, aucun chien n'a été tué. Il continue à courir d'une colline à l'autre. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci pour parler commerce en province Muyinga. La coopérative Mateka Novera de Mukoni est la seule autorisée à collecter du lait produit en commune de Muyinga à raison de 900 francs le litre. Dans un communiqué rendu public lundi de cette semaine, l'administrateur communal Amédé Misago explique que seule cette structure a des techniques et le matériel approprié, une décision qui provoque déjà des lamentations des éleveurs et des vendeurs de lait, mais qui doit entrer en vigueur à partir du 13 courant. Le point avec Pierre Clavier Barundi depuis Muyinga. Seule la coopérative Amateka Novera Siza Mukoni a le monopole d'acheter du lait aux éleveurs de la commune Muyinga. Cela ressort d'un communiqué que l'administrateur de Muyinga, Amédé Misago, a rendu public ce lundi. Dans ce communiqué, l'administrateur fait savoir que seule cette coopérative a le matériel et les techniques appropriées. Il invite les vendeurs de lait et les consommateurs de ce produit à aller s'approvisionner dans cette structure à un prix de 1000 francs le litre. Si la mesure enthousiasme les consommateurs de lait habitant tout près de cette coopérative, elle suscite des lamentations chez les éleveurs et les vendeurs de lait. Pour ces premiers, la coopérative vient leur faire subir une perte car ils vendaient un litre de lait à 900 ou à 1000 francs sans devoir se rendre à Mukoni. Pour ces seconds, ils craignent la hausse des prix à la consommation due au déplacement et demandent que la coopérative rende disponible ce produit au centre-ville de Muyinga. Vous saurez que la mesure va entrer en vigueur à partir du 13 courant. Pierre Clavier Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Clavier Barundi. Et en mauvais accueil et la perte totale des biens sont parmi les difficultés majeures qui menacent les commerçantes transfrontalières. Et c'est pour cette raison que l'Office burundais des recettes OBA a organisé un atelier d'échange avec plus de 50 commerçantes ce mercredi afin de leur fournir des étapes à suivre pour accomplir leur mission. Comme l'indique Staningenda Kumana, porte-parole de l'Office burundais des recettes OBA. Et les commerçantes se disaient être prête à collaborer avec cet office dans le but de développer le commerce transfrontalier. Parle, rassure-moi. La chronique de ce mercredi nous parle de l'instrumentalisation des chiffres ethniques à des fins divisionnistes. Selon le professeur historien Elias Senhamba, il est même inutile de chercher à connaître les statistiques des ethnies qui composent la société. Il dit que cela peut entraîner des guerres. Cette chronique est signée Aubin Niyonkuru. Une nation n'a pas besoin de connaître le pourcentage de gens d'une telle ou telle autre ethnie qui la compose, selon le professeur Elias Senhamba. L'historien explique plutôt que cette attitude peut conduire à des conflits interethniques. C'est une mauvaise chose dans la mesure où une nation, on n'a pas besoin de savoir quel pourcentage elle compte. Parce que les pourcentages, on a vu que ça peut nous mener à des conflits politiques de haut niveau avec des massacres, comme l'histoire du Burundi nous le montre. On sait que les années noires, 72, 88, 93, ça a été des crises sur base ethnique entre guillemets. Donc, revenir à dire les chiffres autant, alors qu'auparavant, depuis longtemps, il n'y avait pas eu de recensement officiel. C'est toujours négatif parce que ça nous ramène en arrière. Pour lui, la course au pouvoir est au centre de l'instrumentalisation des chiffres ethniques. Il fait savoir que c'est la compétence de chacun qui devrait être mise en avant pour placer quelqu'un. C'est le pouvoir qui est en jeu, dans la mesure où, combien de ministres Hutu il y en a, combien de ministres Tutsi il y en a. Mais en réalité, on ne devrait pas avoir besoin de savoir s'il est Hutu, s'il est Tutsi. On devrait savoir est-ce que ce ministre est compétent pour son ministère. Est-ce que ce gouverneur est compétent pour sa province. S'il est compétent, on va finir par oublier s'il est tout ou s'il est. Parce que la compétence n'a pas d'appartenance ethnique, elle est technique. En revanche, si vous le mettez en place parce qu'il est Hutu, alors vous allez récolter les mauvaises choses, vous allez récolter les dividendes tutsistes, hutistes, ganouistes, toaïstes, au lieu de récolter la compétence technique dont la population dans son ensemble a besoin. Pour éviter cette instrumentalisation, le professeur Eliassé Namba propose d'abord comme solution de traiter tous les citoyens au même pied d'égalité. Il faut prendre tous les citoyens burundais de la même manière. Parce que tous les partis comprennent toutes les appartenances ethniques. Alors, chaque parti pourrait prendre les meilleurs. Oui, les meilleurs. Les Hutus combattants, il y en a plein. Les Tutsis combattants, il y en a plein. Même les Ganois combattants, même les trois combattants, on peut les trouver. Pour éviter tout ça, instruisez tout le monde et pour mettre sur les listes électorales, mettez les meilleurs. Si le meilleur est Hutu et qu'il est bon travailleur, les Tutsis trouvent leur compte et ils vont le présenter comme leur représentant, leur élu. Avec cette politique de mettre en avant les compétences, il souligne que la problématique ethnique finit par être oubliée. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Page internationale à 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro. La France a ouvert ce mercredi au grand public d'importantes archives relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans jour pour jour après le début du génocide dans ce pays. Selon une publication dans le journal officiel français, il s'agit d'archives de l'ancien président François Mitterrand ainsi que celles de son premier ministre de l'époque Édouard Balladur, auxquelles une commission d'historiens ont eu accès pour produire un rapport pointant fin mars les responsabilités de la France au Rwanda. Sur cette période, pour rappel, dès ce 7 avril, le Rwanda débute une semaine de mémoire des victimes de ce génocide de 1994. Et côté Madagascar, de novembre à janvier, le Grand Sud a été touché par la sécheresse la plus sévère depuis 1981. C'est ce qu'indique le dernier bulletin du Bureau de la coordination des affaires humanitaires et des Nations Unies. Plus d'un million de personnes, soit la moitié de la population de cette partie du pays, ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence selon Radio France Internationale. Voilà, à 13h11 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Kimana qui en a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi. À tous et à tous, au revoir.